Bonjour à tous, voici l'éphéméride pour ce 24 décembre. Aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fête aux Adèle et Noémie. Bon anniversaire à vous si vous êtes né un 24 décembre. C'est l'anniversaire de Roselyne Bachelot, elle est née en 1946. L'anniversaire de Diane Tell, née en 1959. Et c'est l'anniversaire de Ricky Martin, il est né en 1971. Voici le numéro 1 du jour. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Tous les ans, ou presque depuis la création du Top 50, on retrouve dans les ventes de singles le titre de Tino Rossi, Petit Papa Noël. 45 tours pour l'époque. En tout cas, cette chanson qui date de 1946 reste à ce jour le single le plus vendu en France avec plus de 5 700 000 exemplaires. On termine avec un événement, le 24 décembre 1954, c'est la sortie du film Ali Baba et les 40 voleurs avec Fernandel. Bonne journée, bon réveillon et à demain.